Paris, Roubaix, Tour de France, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Pédaler en grand braquet, Tour de France, Tour de France, sprint final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. Camarade et amitié, Tour de France, Tour de France.